بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ceci dit, bienvenue à vous frères en Allah Azza wa Jal, les chers et sœurs en Allah Azza wa Jal, chers auditeurs et auditrices sur les ondes de Radio Mirat Al-Anbiya. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense comme il se doit ceux qui sont à l'origine de cette radio. Et nous continuons la lecture et la traduction du livre des fondements et des particularités des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, extraits des livres de l'érudit Cheikh Rabi', hafidhahullah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse et allonge sa vie dans son obéissance, qu'il nous fasse profiter de sa science, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le firdaus al-a'la. Et fait partie des fondements et des particularités des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, autrement dit des salafis, c'est le fait de suivre les preuves de la législation, les preuves du livre et de la sunna, et de s'éloigner de toute forme de sectarisme et d'imitation aveugle aux hommes, contrairement aux autres sectaires, aux autres qui sont sectaires à leurs écoles de jurisprudence, ou alors d'autres qui sont sectaires à leur parti, à leur groupe, et qui sont dans une obéissance aveugle à leurs leaders et à leurs chouyouch et ainsi de suite. وفي تقرير هذا الأصل السلفي يقول العلامة ربيع بن المدخل يا ربيع المدخلي سدده الله في سياق رده على الحزبي عبد الرحمن عبد الخالق. لو كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب من دعاة التعددية الحزبية لما جاز لأتباعه أن يتبعوه، إذ إن دعوة الإسلام ومنهج الإسلام أن على المسلم اتباع الحق الثابت بالحجة والبرهان، لا لاتباع الأعمال الشيوخ بدون حجة وبرهان. Et pour confirmer ce fondement salafi, الشيخ ربيع حفظه الله تعالى il dit, répliquons à ce حزبي qui est Abdelrahman Abdelkhalq, Abdelrahman Abdelkhalq, l'école, la salafia d'Alexandrie, la salafia politique au Koweït et ainsi de suite. Il lui dit, dont Cheikh Rabi' lui dit, c'est Cheikh Mohamed Abdelhab, rahimahullah, était un des prêcheurs ou était quelqu'un qui appelait au pluralisme de parti. Il n'aurait pas permis à ses disciples de le suivre, car la da'wa de l'islam, la voie de l'islam, c'est que le musulman, la voie de l'islam veut que le musulman suive la vérité établie avec les preuves, et non pas suivre aveuglément des hommes et des chouyours sans preuves établies. يقول حفظه الله فهل يظن الشيخ عبد الخالق عبد الرحمن أن لو وقع الشيخ محمد بن عبد في خطأ القول بتعدد الأحزاب أو تعدد الفرق أن تلاميذه سيتبعونه هو أو غيره كائنا من كان على ذلك الخطأ؟ كلا، فإن منهجهم السلفي يحجزهم عن التقليد الأعمى، لا سيما إذا كان ذلك الخطأ يصطدم بالنصوص الواضحة كالنصوص المحرمة للدعوة إلى التحزب والتفرق. وهذه الأحزاب والجماعات تقوم على الطاعة العمياء لأمرائها وقاداتها وأحبارها ورهبانها. يلدي حفظه الله تعالى. إسكو الشيخ عبد الرحمن كخوا كسي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه tomber dans cette erreur qui est le fait d'appeler au pluralisme du parti ou au pluralisme du groupe que ses élèves vont le suivre, ou si quelqu'un d'autre, qu'il soit qui il veut, tombe dans cette erreur, qu'il va être suivi dans cette erreur. Et Cheikh El dit non et non, car leur voix, c'est la voix salafi, et la voix salafi les interdit. Leur interdit l'imitation aveugle, surtout quand l'erreur est en contradiction, est en confrontation, et ce, est en contradiction avec les textes clairs qui stipulent qu'il est interdit d'appeler vers hein, le fait de se constituer en groupe et en parti. Et ces partis, ces groupes, hein, leur base c'est quoi? C'est l'obéissance aveugle à leurs leaders, à leurs savants, à leurs ascètes et à ceux qui les commandent. وقال حفظه الله المنهج السلفي قائم في كل قضية وفي مواجهة أي باطل على مثل قول الله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. La voie salafi est basée et s'accomplit à tous les niveaux et concernant toutes les situations, tous les sujets, face aux faux hein, il est accompli sur le verset qui dit, dans la traduction approximative, dit ceci: ramenez vos preuves si vous êtes véridiques. Ramenez vos preuves si vous êtes véridiques. وقال حفظه الله في سياق رده على سلمان العودة وضحض افتراءاته على عن أهل السنة السلفيين. يؤسفني أن يصدر هذا الكلام والذي قبله من رجل يعيش في بيئة سلفية جاهدت وناضلت للعودة بالناس إلى نور الكتاب والسنة وإلى منهج السلف الصالح، ومنهم الأئمة الأربعة في ذم التقليد والحث على الاعتصام بالكتاب والسنة، وأقوالهم في هذا الباب مدونة ولا تحصى. Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve dans le contexte où il répliquait à Salman al-Aouda, où il repoussait ses mensonges concernant hein, les gens de la sunna et les salafis. Il dit Hafidhullah, ça m'attriste le fait que ces paroles émanent de quelqu'un hein, qui vit dans une société salafie, dans une atmosphère salafie, dans une société salafie qui a combattu, qui a fait des efforts pour que les gens reviennent vers la lumière du livre et de la sunna et de la voix des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Et à leur tête les grands imams, les quatre grands imams. Et à leur tête les quatre grands imams dont la position de blâmer l'imitation et d'inciter les gens à se cramponner au livre et à la sunna. Et leurs paroles à ce niveau-là sont écrites. Ils sont nombreuses, on ne peut même pas les compter. وقال حفظه الله في معرض إزعاقه لأباطيل باشميل الحدادي الذي يزعم أنه على مذهب أهل السنة في ذم التعصب والتقليد تحت عنوان دعوى عبد اللطيف بأن أهل المدينة يتعصبون للألبان تعصبا مذموما يصل ببعضهم إلى حد الغلو، وفضح كذبه الغليظ في ذلك. قال أي بشميل تحذير أئمة أهل السنة من التعصب وذمهم إياه. قال الشيخ ربيع حفظه الله وجعل هذا عنوانا والقل تحته عن الإمام البربهاري وشيخ الإسلام ابن تيمية والشاطبي وشيخ محمد أمان ما يوهم الناس أنه يحارب الباطل والتعصب وأنه على طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الميدان وما أبعده عن ذلك فبينه وبين ذلك بعد المشرقين. Et il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve dans sa réplique où il a nuanté le faux de Bashmil le Haddadi, ce Haddadi qui prétend être sur la voie des gens de la Sunna et qui prétend blâmer et combattre le sectarisme et l'imitation aveugle. Et ce Bashmil a écrit dans une risala que les gens de Médine, c'est quelque chose que prétend Abdullah Latif Bashmil, que les gens de Médine sont sectaires à l'Albani d'un sectarisme blâmable qui a ramené certains parmi eux à aller aux extrêmes dans leur sectarisme. Et Cheikh Rabi a divulgué ce mensonge chauve quand Bashmil a dit à la page de sa Risala, la page 33, regardez le titre. L'avertissement des imams, disons de la sunna, du sectarisme et leur blâme concernant le sectarisme. Et ceci, c'est un titre, hein, pour déguiser la situation du faux dans laquelle il est. Cheikh Rabi a dit, il a fait, ça c'est le titre. Et en bas de ce titre, il a ramener les paroles de l'imam al-Barbahari, ainsi que de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, de Shatibi, de Cheikh Mohamed Aman, pour donner l'illusion aux gens, comme quoi il combat le faux, le sectarisme, et qu'il est sur la voie des gens de la sunna, et ceux qui sont unanimes sur la sunna à ce niveau-là. Cheikh Rabi' il dit, combien il est loin des gens de la sunna, il est loin des gens de la sunna, ah, il est loin de leur voix. La distance le sépare de leur voix, la distance qu'il y a entre eux, l'Est et l'Ouest. Et donc, frère en Allah, Azza wa Jal, le blâme des gens de la Sunna et le rejet des gens de la Sunna du sectarisme et de l'imitation aveugle, qu'il soit pour les hommes, pour les tendances, pour les groupes. Les gens de la Sunna ont toujours averti contre ce genre d'actes. Parce que le sectarisme amène vers un grand mal. Et ils ont répliqué, rahimahumullah, au sectarisme aveugle et à l'imitation aveugle, parce que il amène vers le mal, vers un mal qui est énorme. Et fait partie du mal énorme vers lequel amène le sectarisme aveugle, les limitations aveugles, ce qu'a cité Cheikh Rabi Hafdhahullah dans sa risala, At-ta'assub al-dhamim wa atharuh, le sectarisme blâmable et ses mauvais impacts. Et vous pouvez trouver cette risala traduite du début jusqu'à la fin sur Al-Atar. فذكر رحمه الله تحت عنوان مفاسد التعصب نصوص كثيرة ردت وهي في غاية الوضوح من أجل ماذا وما الذي حملهم على ردها أو تأويلها أو تحريفها إنما هو ذلكم الداء المقيت داء التعصب والعصبية العمياء والعياذ بالله وقد ذكر بعض العلماء ومنهم ابن القيم المفاسد التي تردى فيها المتعصبون للمذاهب. Et il a cité sous le titre Le mal du sectarisme, il a cité des textes qui sont clairs. Et il a dit que ces textes ont été rejetés. Il a dit pourquoi ils ont été rejetés. Qu'est-ce qui a poussé ces sectaires à rejeter les textes ou à les déformer, ou à leur donner une fausse signification. Et il répond, Hafidhahullah, c'est tout simplement cette grande maladie, cette maladie inacceptable qui est le sectarisme aveugle, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et certains nombres de sciences ont cité, et fait partie de cela, Ibn al-Qayyim, le mal qui émane du sectarisme et le gouffre dans lequel tombent ceux qui sont sectaires à leurs écoles de jurisprudence et autres. وقد ذكر بعض العلماء ومنهم ابن القيم المفاسد التي تردى فيها المتعصبون للمذاهب فقال منها أولا مخالفة النصوص الثابتة من الكتاب والسنة تعصبا للمذاهب وتقديم الرأي المحض أحيانا عليها. ابن القيم cité les points, le mal dans lequel tombent ceux qui sont sectaires. Il dit premièrement, il tombe dans le fait de se mettre en divergence avec des textes établis, des textes du livre et de la sunna qui sont établis, par sectarisme à leur voix, et en mettant leur opinion en avant. Leur opinion d'une idée de toute preuve, ils la mettent en avant. Taniyan, katratul ahadith al-da'ifati wal-mawdu'a wal-ihtijaj biha wa-istinbat al-ahkami منها حملهم التعصب وبعضهم يكذب ويفتري نصرة لمذهبه وكتب مصطلح الحديث فيها أمثلة من هذه النماذج لهؤلاء المتعصبين. Il dit Ibn al-Qayyim, deuxièmement, le grand nombre de hadiths faibles et inventés et le fait de les prendre comme preuve et d'en extraire les lois. C'est leur sectarisme qui les a poussés à agir ainsi. Certains vont même mentir et inventer pour faire triompher leur voix. Et il dit, les livres de Mustalah al-Hadith qui s'occupent de la science du Hadith et de la science technique du Hadith, il y a beaucoup d'exemples de ce genre de choses. Et de ce genre de hadith inventé par ces sectaires. Talitan, taqdimu aqwal al-ulama al-mutakhirin ala aqwal al-aimmat al-mutaqaddimin. Troisièmement, mettre en avant les paroles des derniers hommes de science par rapport aux anciens. Rabi'an, al-inhibas fi madhhab wahid wa 'adam al-istifada min 'ilm al-madahib al-ukhra وجهود رجالها وكتبها تعصبا لمذهب معين. Quatrièmement, le fait de se limiter à une voie unique dans la jurisprudence et de ne pas profiter de la science des autres écoles et des efforts des hommes de science de ces autres écoles et de leurs livres par sectarisme à une voie et une école bien précise. خامساً خلو كثير من الكتب المذهبية من الأدلة الشرعية ورغبة كثير عن دراسة الكتاب والسنة إلى هذه الكتب. Cinquièmement, il y a beaucoup parmi ces livres de ces écoles de jurisprudence, sont vides de preuves de législation. Et beaucoup se détournent de l'étude du livre et de la sunna vers ces livres. سادسا شيوع التقليد والجمود وإقفال باب الاجتهاد وقد اختلفت دعوة إقفال باب الاجتهاد متى كان هذا الإقفال فمنهم من يقول على رأس 200 أغلق باب الاجتهاد ومنهم من يقول على رأس 400 ومنهم من يقول أغلق باب الاجتهاد على أحمد بن حنبل إلى آخر الأقوال القائمة على الجهل والهوى والتي دفع إليها التعصب الأعمى. Et toujours les points qui sont cités ici par Cheikh Rabi' sont d'Ibn al-Qayyim. Et le sixième point, c'est que il s'est propagé l'imitation aveugle, l'imitation et la stagnation et la prétention comme quoi la porte de l'effort d'interprétation est fermée. Et il y a eu une diversité et beaucoup de paroles concernant cette prétention que l'école, que la porte de l'effort d'interprétation est fermée. Certains disent que cette porte est fermée au 12e siècle. La porte de l'effort d'interprétation a été fermée. Certains ont dit qu'il a été formé au 4e siècle. D'autres ont dit la porte de l'effort d'interprétation a été fermée après l'imam Ahmed. Et d'autres paroles dont l'origine, c'est l'ignorance, les passions, et ce qui a poussé à agir ainsi après d'entendre ce genre de paroles, c'est le sectarisme aveugle. Sabi'an, التشدد في بعض المسائل مما فيه عنة كبير على الناس ومما يجر عليهم الوسوسة وما شابه ذلك. Et le septième point, c'est le fait de la dureté et l'exagération concernant certains points ou certains sujets, ce qui rend la situation difficile aux gens et ce qui va amener les gens à tomber dans l'ouswas et dans des situations qui sont similaires à الوسواس. الوسواس c'est là les suggestions de Shaitan. وقال حفظه الله التعصب داء عضال فتك بعقول الأمم وحطم المبادئ وفتك بالأرواح وإنه الأول داء ابتلي به الخلق فإبليس اللعين أول عاص كان سبب معصيته هو التعصب خلقتني من نار وخلقته من طين تعصب واعتزاز بعنصره وقوم نوح وغيرهم من الأمم الضالة التي كذبت الرسل الأحزاب الفراق أهل الأديان من اليهود والنصارى والمجوس والهنادك وسائر الكفر والوثنيين ما فتك بهم إلا هذا الداء العضال والعياذ بالله. Et il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, le sectarisme est une maladie, est une dangereuse maladie qui anéantit les raisons des communautés et qui détruit les principes et qui fait mourir les âmes. Et c'est la première maladie avec laquelle a été éprouvée la création. Iblis le maudit, le premier qui a désobéi, la cause de sa désobéissance et la cause de son péché, c'est le sectarisme. Comme il est dit dans le verset cité ici par Cheikh, dans la traduction approximative du sens du verset, tu m'as créé du feu et tu l'as créé de terre. Donc il s'est sectarisé à son espèce, à son origine, et il était imbu de son origine. Le peuple de Nuh, ainsi que toutes les communautés égarées, qui n'ont pas pris comme véridique les messagers alayhim salatu wassalam, qui n'ont pas cru en eux, ainsi que les partis, les groupes, les gens des religions, que ce soit les juifs, les chrétiens, les zoroastriens, les hindous, et toutes les tendances de mécréance, et des adorateurs de statues, qu'est-ce qui les a enfoncés là-dedans? Qu'est-ce qui les a détruits? C'est cette grande maladie. Et cette énorme maladie, cette maladie dangereuse que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Qui est le sectarisme? يقول حفظه الله الفرق الضالة المنتمية للإسلام قديما وحديثا سواء أصابها هذا الداء في عقائدها أو في عبادتها الأمراض القبلية كلها من هذا المنطلق. Et il dit, Hafidhahullah, les groupes égarés qui appartiennent à l'islam, les anciens groupes, les groupes contemporains, que cette maladie les a atteints dans leurs croyances ou dans leurs actes d'adoration, les maladies des tribus, le tribalisme, tout part de ce point, le sectarisme. يقول إذن هو داء فتاك بالأفراد والجماعات ويؤدي إلى تكذيب الرسل وإلى الكذب والمغالطات في نشر المبادئ الأهدامة والأفكار الضالة فيجب أن يتحسس كل فرض وكل جماعة ومواطن هذا الداء فيخلص كل واحد وكل جماعة فكره وعقله وحياته من هذا الداء الخطير ويتجه كل مسلم منا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيهما الشفاء والدواء الناجع للتخلص من هذه العاهة الكريهة البغيضة نسأل الله أن يعافي الأمة الإسلامية من هذا المرض الفتاك وأن يوحد صفوفها ويجمع كلمتها Il dit, Hafidhahullah, donc cette grande maladie destructrice qui détruit les individus, les groupes, et qui amène à ne pas prendre comme véridique les messagers alayhi salatu wassalam, et qui amène à inventer et à mentir, et qui amène à induire en erreur dans le fait de propager des principes destructeurs et des pensées égareuses. Il dit, il faut qu'on soit sensible. Chaque individu doit être sensible. Chaque groupe doit être sensible à cette maladie et il doit s'en débarrasser. Chaque individu doit s'en débarrasser. Chaque groupe doit débarrasser sa pensée, sa raison, sa vie de cette grande maladie dangereuse. Et le musulman parmi nous doit s'orienter vers le livre d'Allah, la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, car il contient le remède. Le remède pour se débarrasser de cette grande gangrène détestable. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve la communauté musulmane de cette maladie destructrice et qu'Allah subhanahu wa ta'ala unit la communauté. يقول إن التعصب الذميم للأديان والقبائل والأشخاص والأفكار والمذاهب والأحزاب قد حاربه الإسلام أشد الحرب ذلك أن التعصب المقيت هو المنبع الوحل المتعفن والمصدر البغيض لكل هذه الأدواء الفتاكة فهو الدافع للأحزاب الكافرة الظالمة لأن تقف في وجه الرسل والرسالات بالتكذيب والافتراء والاتهامات والجدال والخصام بالباطل. Il dit, حفظه الله, le sectarisme blâmable aux religions, aux tribus, aux individus, aux pensées, aux voies, aux écoles de jurisprudence, aux partis, l'islam a combattu d'une grande guerre ce genre de sectarisme. Parce que le sectarisme est quelque chose de blâmable. Et c'est la source boueuse, impure et infectée pour toutes ces maladies, et infectée avec toutes ces maladies qui détruisent. C'est le sectarisme qui pousse vers le fait de se constituer, qui pousse les partis mécréants, injustes, à s'opposer aux messagers et aux messages d'Allah Azza wa Jal, et à mentir, et à calomnier, et à accuser, et à polémiquer, et se disputer avec le faux. Et fait partie des fondements des gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna, qui prouvent comme quoi ils donnent une grande importance au texte de la législation, qu'ils sont soumis au texte, c'est qu'ils ne mettent pas leur raison en avant des textes. La base pour eux, le livre et la sunna, ce sont la base de la science et de la religion. Et fait partie de leurs règles à ce niveau-là, إذا ورد النقل سلم العقل quand le texte est établi il est là la raison se soumet et ceci les gens de l'innovation sont en divergence avec cette règle car ils mettent leur raison leur mauvaise raison et leurs mauvaises imaginations leurs ambiguïtés au devant de la révélation. Ils font que la raison, c'est la base. et c'est elle le baromètre. Et tout ce qui est conforme à leur raison, ils l'acceptent. Et tout ce qui est en divergence avec leur raison, ils le rejettent. Et fait partie de leurs règles, hein, de leurs mauvaises règles, de leurs règles qui mènent vers la faillite dans la religion. إِذَا وَرَدَ النَّقْلْ حَكَمَ الْعَقْلِ. Quand le texte est établi, c'est la raison qui doit juger. Ça, c'est leur règle à eux. Et donc, ils mettent la raison comme juge sur la législation. Et partant de là, ils ont méprisé les preuves de la législation. Et ils ne l'ont pas respectée. Ils ont mis leur raison ainsi que leur opinion au devant. Et combien, quand ils citent certains des preuves, c'est tout simplement pour se renforcer. Ils ne le citent pas, ils ne prêtent aucune attention à ces preuves. Mais ils les citent tout simplement pour se renforcer. Ils les prennent comme un témoignage qui suit leur raison. Et ils agissent avec les textes, avec différentes façons d'interprétation, et en utilisant la métaphore et ainsi de suite, et à des fausses interprétations. وبيانا لهذا الأصل السني السلفي يقول العلامة ربيع بن هادي المدخلي وفقه الله وشافاه وعافاه وكذلك المعتزلة والقدرية والجهمية والصوفية كلهم عندهم تأويلات وتحريفات ورد للنصوص بطرق ملتوية خاصة في القرون المتأخرة من بعد ما انتشر الكلام في الأشاعرة وغيرهم فقد ساد التأويل إلى أبعد الحدود ودخل التصوف في الأشاعرة فاتسعت دائرة الفتنة والضلال والانحراف ومواجهة كثير من نصوص الكتاب والسنة خاصة الأمور الغيبية. Et pour donner des éclaircissements sur ce fondement sunni salafi, l'érudit Cheikh Rabi' dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, allant sa vie dans son obéissance, et aussi les mu'tazilites, ainsi que les qadaristes, les jahmites, les sophis, tous, ils ont des fausses interprétations et des façons de déformer et de rejeter les textes par des voies déviantes, et prenant des virages et des zigzags, surtout les derniers siècles, après que la science de la scolastique a été propagée, et après que l'Asha'ira ont baigné dans Ilm al-Kalam, la science de la scolastique, et d'autres groupes. Partant de là, il s'est propagé, mais d'une façon énorme, d'une façon très grande, les fausses interprétations. Et Tassawuf s'est immiscé chez l'Asha'ira. Et donc, le cercle de sédition et de l'égarement et de la déviance s'est élargi grandement, s'est grandement élargi. Et l'opposition au texte de la révélation du livre et de la sunna, sont devenues énormes. Surtout concernant les choses de l'invisible. يقول الشيخ فهم يقولون إذا تعارض العقل والنقل نقدم العقل. لماذا؟ لأنه أصل النقل. انظروا هذا الضلال. Il dit, حفظه الله, eux ils disent, quand il y a une opposition entre la raison et les textes, on met en avant la raison. Pourquoi? Ils disent parce que la base des textes, c'est la raison. C'est la raison qui est la base des textes. Et Cheikh, il dit, regardez cet égarement. Yaqul, amma ahlu sunnati fal aslu indahum, tiba'u al-kitabi wa sunna. والعقل السديد هو الذي يفهم القرآن والسنة والعقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح لا يتعارض العقل والنقل أبدا. Et il dit, Hafidhahullah, quant aux gens de la sunna, l'origine pour eux et la base pour eux, c'est le fait de suivre le livre et la sunna. La raison saine et le cerveau sain, c'est celui qui comprend le Coran et la sunna. Et la raison claire et saine n'est pas en contradiction avec les textes établis. La raison saine n'est jamais en opposition avec un texte établi. Abadan. Yaqul lakin hum laysa indahum uqul wa innama indahum shubuhat wa wasawis yusammunaha aqliyat falidhalika tatasadamu ahwa'uhum wa khayalatuhum bil Qur'an was sunnah. Il dit hafidhahullah, mais ceux-là, ils ont pas de raison. Mais ils ont des ambiguïtés. Ils ont des mauvaises pensées et des suggestions du diable qu'ils appellent le raisonnable. C'est pour ça, leurs passions et leurs imaginations se heurtent, est en contradiction et se heurtent avec le Coran et la Sunna. يقول أما أهل العقول الراجحة الصريحة الواضحة فهؤلاء تنسجم عقولهم مع الكتاب والسنة ويستسلمون لنصوص الكتاب والسنة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ويرون أن هذه النصوص لا تخالف العقل أبدا وأصرح العقول يتتلمذ على هذه النصوص لأنها وحي من الله تبارك وتعالى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى والله أمر باتباع الكتاب والسنة والاعتصام بهما. Il dit حفظه الله, quant aux raisons saines, aux raisons claires, ces raisons sont conformes avec le livre et la sunna. Ces raisons se soumettent complètement au texte du livre et de la sunna. Par mise en application du verset qu'il a cité, dont la traduction nous dit ceci, par ton sevrin ils ne croiront jusqu'à ce qu'ils te prennent comme juge dans tout litige qu'il y a entre eux et qu'ils ne trouvent rien à redire et qu'ils aient aucune gêne dans leur cœur dans le jugement que tu as émis et qu'ils se soumettent complètement. Et donc il dit, Hafidhahullah, il voit que ces textes, les gens de la sunna qui ont des raisons saines, voient que ces textes ne sont pas en divergence ni en contradiction avec la raison. Jamais. Et il dit, il a raison la plus claire, la plus saine, c'est celle qui prend sa science dans les textes. C'est celle qui étudie dans les qui étudie les textes, car les textes c'est une révélation min Allah. Et il cite le verset, ce n'est qu'une révélation qui lui a été révélée. Ce n'est qu'une révélation qui a été révélée. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Hafidhahullah, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné le fait de suivre le livre et la sunna et de se cramponner au livre et à la sunna. Wa qala Hafidhahullah, مبينا أساس العلم عند أهل البدع يقول أساس العلم هو العقل وهو الميزان العقل هو الميزان فإن جاء الشرع يوافق العقل قبلوه لا لأجل أنه شرع وإنما لأنه وافق عقولهم الفاسدة وإن خالف عقولهم قدموا العقل على الكتاب والسنة فأي شر يفوق هذا أن يقدم عقله الفاسد الجاهل على كلام الله الحكيم العليم الخبير الذي أحاط بكل شيء علما الذي قدره الذي قدره حكمة وشرعه حكمة وكل قضية من القضايا التي يشرعها حكمة وكل خبر قائم على العلم والعدل والحكمة. Il dit Hafidhahullah ta'ala, donnant des éclaircissements sur cette base, donnant des éclaircissements sur la base de la science chez les gens de l'innovation, il dit, la base de la science chez les gens de l'innovation, c'est la raison. C'est leur baromètre. La raison, c'est leur baromètre. Quand la législation est conforme à la raison, ils l'acceptent. Non pas parce que c'est la législation, mais parce qu'elle est conforme avec leurs mauvaises raisons. Et quand les textes, la législation est en divergence avec leurs raisons, ils mettent en avant leurs raisons au devant du livre et de la sunna. Quel grand mal y a plus que ça, il dit Hafidhahullah, de mettre la raison, la mauvaise raison, la raison ignorante, de la mettre devant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait les choses à la perfection, qui sait tout, qui connaît tout, rien ne lui échappe, il cerne tout avec sa science subhanahu wa ta'ala, et tout ce qu'il a décrété, il a été décrété à la perfection, sa législation c'est la perfection, et toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, il l'a faite à la perfection, et toute annonce, hein, annoncé, il est accompli sur la science, sur la justice et sur et à la perfection. يقول فهؤلاء بعقولهم الفاسدة الكاسدة يردون النصوص النبوية ويحرفونها لأنها أخبار آحاد وأما نصوص القرآن فيصبون عليها التأويلات لأنها وإن كانت قطعية الثبوت فإنها عندهم ظنية الدلالة وهكذا يتعاملون مع نصوص الكتاب والسنة يوجهون هذه التهم لأهل السنة من حشويات ومشبهات وظاهريات إلى آخره وهم أهل العقول وأهل الوعي وأهل الذكاء أما أهل السنة فيأخذون بنصوص القرآن ثم انحرف هؤلاء وأخذوا فلسفات اليونان وغيرها فصارت عقولهم لا تقبل ظواهر نصوص القرآن Il dit, Hafidhahullah, les mauvaises raisons de cela, leurs raisons ont fait faillite. Ainsi, leurs raisons rejettent les textes prophétiques et déforment leur sens, car ce sont des hadiths ahad. Quant au texte du Coran, ben ils vont dévier leur interprétation et changer leur sens. Même si les textes du Coran sont établis d'une façon irréfutable, pour eux, ce ne sont que au niveau des preuves, ce ne sont que des suppositions. Ainsi, ils se comportent avec les textes du livre et de la sunna. Et après, ils accusent les gens de la sunna en étant des gens qui s'occupent des marges, à faire des marges sur les livres, en étant des gens qui font des similaires à Allah, en étant des gens de l'apparence, c'est-à-dire qui prennent les textes dans leur apparence, et ainsi de suite. Et eux, ce sont les gens de la raison, les gens de l'éveil, les gens de l'intelligence. Quant aux gens de la sunna qui prennent les textes du Coran, ce sont tout ce que vous avez entendu, hashwiya, mushabbiha, zahiriya, s'occupent des futilités, ils font des similaires à Allah, ils prennent les textes dans leur apparence et ainsi de suite. Et ceux-là, ils ont dévié encore plus, ils ont pris la philosophie grecque et autres philosophies. Et leur raison n'accepte plus l'apparence des textes du Coran et de la Sunna. Et pour avoir un appui de plus concernant la raison chez les gens de la Sunna, on va lire un petit peu ce qui est en marge des pages, ou les paroles de Mudhaffar Sam'ani, rahimahullah, et les paroles du Cheikh l'Islam dans Dar al-Ta'arud. قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله كما في الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة واعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل فإنهم أسسوا دينهم على المعقول وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا للمعقول وأما أهل السنة قالوا الأصل في الدين الاتباع والمعقول تبع ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي وعن الأنبياء ولبطل معنى الأمر والنهي ولا قال من شاء ما شاء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أبو المظفر السمعاني dans son livre La preuve dans les éclaircissements de la voie et l'interprétation de l'aqida des gens de la sunna, il dit, sache que le point de séparation entre nous et les innovateurs, c'est la raison, c'est le sujet de la raison. Les innovateurs ont basé leur religion sur le raisonnable et sur la raison. Ils ont fait que le suivi des textes, ils ont fait que les textes doivent suivre la raison. Quant aux gens de la sunna, ils ont dit la base et l'origine dans la religion, c'est de suivre. Et la raison, c'est de suivre les textes. Et la raison doit suivre, doit se soumettre aux textes. Les autres, non. Ils soumettent les textes à la raison. Et il dit, rahimahullah, et si c'est la base de la religion était la raison, bah, les gens n'auraient pas besoin de la révélation, ni des prophètes. Et il n'y aurait aucun sens aux ordres et aux ordres qui ont été émis et aux interdictions qui ont été émises. Et n'importe qui peut dire ce qu'il veut. Chacun dira ce qu'il veut. Comme il veut. وقال شيخ الإسلام في درء التعارض وهذا مما يبين أن ما جاءت به الرسل هو الحق وأن الأدلة العقلية الصريحة توافق ما جاءت به الرسل وأن صريح المعقول لا يناقض صحيح المنقول وإنما يقع التناقض بين ما يدخل في السمع وليس منه وما يدخل في العقل وليس منه. انتهى كلامه رحمه الله. شيخ الإسلام dans son livre qui est un noble livre sur plusieurs tomes repousser l'opposition qu'il y a entre les textes et la raison. Il dit, rahmatullah alayh, et ceci donne des éclaircissements sur le fait que ce qu'ont transmis les messagers alayhi salatu wassalam, c'est la vérité. Et que les preuves de la raison claire sont conformes avec ce qu'ont transmis les prophètes alayhi salatu wassalam. Et que la raison claire n'est pas en opposition avec les textes établis, authentiques. Mais la contradiction va apparaître, c'est dans les preuves, c'est quelque chose qui ne fait pas partie des preuves. Ou alors, s'immiscer dans la raison quelque chose qui ne doit pas s'immiscer dans la raison et qui n'en fait pas partie. Et si s'arrêtent les paroles de Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. Et aussi fait partie des fondements des gens de la sunna et de leur particularité, c'est que les gens de la sunna acceptent la vérité de tout un chacun qui la ramène. Et ils rejettent le faux de n'importe qui. Et il tourne avec la vérité. Il tourne là où il fait tourner la vérité. Dans la confirmation de ce fondement salafi, l'érudit, le combattant Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, dit Hafidahullah, أهل الحديث يدورون مع الحق إن شاء الله مع المحبة والاحترام لبعضهم البعض. Il dit, Hafidahullah ta'ala, les gens du hadith tournent avec la vérité, tout en s'aimant entre eux et tout en se respectant mutuellement. Wa qala Hafidahullah, naqlan an al-imam ibn Rajab rahimahullah, qawlahu, falihada kana a'immatu. فلهذا كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيرا ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم، كما قال عمر رضي الله عنه في مهور النساء وردت المرأة بقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، فرجع عن قوله وقال أصابت امرأة ورجل أخطأ. وروي عنه أنه قال كل أحد أفقه من عمر، وكان بعض المشهورين إذا قال في رأيه بشيء يقول هذا رأينا، فمن جاء برأي أحسن منه قبلناه. Il cite Hafidhahullah Ta'ala les paroles de l'imam et du mémorisateur Ibn Rajab Rahimahullah qui a dit c'est pour ça que les imams des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim, qui avaient la science et que les gens étaient unanimes sur le fait que ces gens-là ont de la science et ont du mérite, ceux-là acceptent la vérité de tout un chacun qu'il leur ramène la vérité. Qu'il soit grand, qu'il soit petit. Et ils conseillent à leurs amis, à leurs disciples, et à leurs disciples d'accepter la vérité quand la vérité apparaît, quand la vérité apparaît dans autre chose qui n'est pas leur opinion ou leur parole. Comme il a dit Omar radiallahu anhu arda concernant la dot des femmes, et la femme a dit à Omar radiallahu anhu arda, en lui citant le verset du Coran, wa ataytum ihdahunna qintaran, la traduction approximative, vous avez donné, c'est-à-dire comme dot à une parmi elles, un quintal. Et Omar radiallahu anhu arda a délaissé sa parole et il a dit une femme a dit vrai et un homme s'est trompé. Et il a été rapporté de Omar radiallahu anhu arda, il a dit tout un chacun comprend mieux que Omar. Il a plus de jurisprudence que Omar. Et on rapporte de certains réputés dans la science qu'il a dit quand il émet une opinion sur un sujet, il dit ça c'est notre opinion, une autre position. Celui qui nous ramène une autre position mieux, on l'accepte de lui. وكان الشافعي رحمه الله يبالغ في هذا المعنى ويوصي أصحابه باتباع الحق وقبول السنة إذا ظهرت لهم على خلاف قوله وأن يضرب بقوله حينئذ الحائط وكان يقول في كتبه لا بد أن يوجد فيها ما يخالف الكتاب والسنة لأن الله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الشافعي رحمه الله qui est né en 150 et qui est mort en 204 de l'Égir, allait très loin dans ce sens-là. Il conseillait et il ordonnait à ses disciples et à ses élèves de suivre la vérité et d'accepter la sunna quand ses paroles sont en divergence avec la sunna et que ses paroles ils doivent les plaquer contre le mur. Et il disait de ses livres rahimahullah obligatoires qui est quelque chose dans mes livres qui est en divergence avec le livre ou la sunna, car Allah a dit, et il cite ce verset dans la traduction approximative du sens du verset nous dit ceci, ne médite-t-il pas le Coran, car s'il venait d'autres qu'Allah, ils auraient trouvé beaucoup de divergences dans le Coran. Mais là, il n'y a pas de divergence parce qu'ils viennent d'Allah. Voici ce que ça veut dire. Wa qala al-shaykh Rabi' hafidhahullah, lakinna ahla as-sunnati walhamdulillah da'iman yaduruna مع الحق حيث دار لكن أهل السنة والحمد لله هم دائما يدورون مع الحق ومع النصوص حيث ما دارت. Il dit حفظه الله تعالى les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna toujours tourne avec la vérité et avec les textes, là où tournent les textes et où se trouve la vérité. Et fait partie des fondements et des particularités des gens de la Sunna qui prouvent qu'ils donnent une grande importance aux preuves et qui fait leur particularité face aux gens de l'innovation, c'est qu'ils prennent l'apparence des textes de la législation et ils s'arrêtent devant les textes sans faire des fausses interprétations. Contrairement aux gens de l'innovation, on leur voit, c'est les fausses interprétations et c'est déformer le sens des textes. Pour de simples ambiguïtés et de simples imaginations. وفي بيان هذا الأصل السلفي يقول العلامة ربيع المدخلي حفظه الله في المنهج السلفي منهج الفرقة الناجية المنصورة ضمانات تمنع من الوقوع في الضلال والانحراف في الأصول والفروع بشهادة القرآن والسنة. Il dit حفظه الله pour nous éclairer sur ce fondement salafi. La voie salafi, la voie de la fraction sauvée, la fraction victorieuse qui est la même, dans cette voie, il y a la garantie qui interdit le fait de tomber dans l'égarement et dans la déviance, dans les fondements et dans les branches. Et ceci est attesté par le Coran et la Sunna. يقول وواقع هذه الفرقة في الماضي والحاضر يشهد بذلك. فهم دعاة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة واتباع منهج السلف الصالح. Il dit, et la situation de cette fraction dans le passé et dans le présent atteste cela. Ce sont eux les prêcheurs qui prêchent le fait de se cramponner au livre et à la sunna et de suivre la voie des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. ومن أصولهم الأخذ بظاهر النصوص خلافا لأهل البدع المحرفين. Et il dit, fait partie de leur fondement, c'est de prendre les textes dans leur apparence. Contrairement aux gens de l'innovation qui déforment les textes. وقال حفظه الله سموا أي أهل البدع سموا أي أهل البدع سموا أهل السنة ظاهرية لأنهم يؤمنون بالنصوص القرآنية والنبوية ويأخذون بدلالاتها الظاهرة الواضحة فلا يؤولونها ولا يحرفونها كما يفعل أهل الأهواء. إلى أن قال فهؤلاء بعقولهم الفاسدة الكاسدة يردون النصوص النبوية ويحرفونها لأنها أخبار آحاد، وأما نصوص القرآن فيصبون عليها التأويلات لأنها وإن كانت قطعية الثبوت فإنها عندهم ضمنية الدلالة، وهكذا يتعاملون مع نصوص الكتاب والسنة. Il dit حفظه الله تعالى les gens de l'innovation ont appelé les gens de la sunna comme quoi ce sont des zahiriya. Zahir, c'est ceux qui prennent les textes dans leur apparence. Il dit, ils les ont appelés comme ça parce que les gens de la sunna croient dans les textes du Coran et les textes du prophète alayhi salatu salam, et les paroles du prophète alayhi salatu salam, et les hadiths du prophète alayhi salatu salam. Et ils les prennent comme argumentation dans leur aspect apparent clair. Ils vont pas déformer les sens. Ils vont pas donner des fausses interprétations comme font les gens qui suivent leur passion jusqu'à ce qu'il a dit. Ceux-là, c'est-à-dire les gens qui suivent leur passion et les innovations avec leurs mauvaises raisons et leurs raisons qui ont fait faillite, rejettent les textes prophétiques et déforment leur sens tout simplement parce que ce sont des hadiths ahad. Quant aux textes du Coran, ils vont dévier leur sens, leur donner des fausses interprétations, même si c'est pour eux, les textes du Coran sont confirmés d'une façon irréfutable, pour eux, au niveau de la preuve, ce sont... C'est des suppositions. On peut pas les prendre comme ça comme preuve. même si ils sont irréfutables, le texte est irréfutable. Au niveau de la preuve, on peut pas, on le met pas, c'est une supposition, hein. Donc ils agissent ainsi avec les textes. Ainsi ils se comportent avec les textes du livre et de la sunna. يقول أما أهل السنة فيأخذون بنصوص القرآن ما من صفة تقريبا إلا وفيها مئات وعشرات نصوص صفة الرحمة 500 آية غير الأحاديث كلها تدل على هذه الصفة ويأتي هؤلاء يؤولونها يخالفون قواعد اللغة وقواعد القرآن وقواعد أهل السنة وما كان عليه الرسول والصحابة هل رأيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأول هل الرسول تأول شيئا من هذه النصوص il dit quant aux gens de la sunna ils prennent les textes du Coran il dit les attributs d'Allah chaque attribut a peut-être 100 textes des dizaines et des centaines de textes qui sont là. Il dit l'attribut de la clémence, 500, il est stipulé, la clémence, cet attribut est stipulé dans 500 versets. En dehors des hadiths qui prouvent cet attribut. Et cela, ces innovateurs viennent et déforment ce sens. Ils se mettent en divergence avec les règles de la langue arabe. Ils se mettent en divergence avec les règles du Coran, ils se mettent en divergence avec les règles des gens de la Sunna, et ils se mettent en divergence avec la voie sur laquelle était le messager alayhissalam et ses compagnons. Ils disent, est-ce que tu as vu un compagnon parmi les compagnons du messager alayhissalam, hein, déformer le sens d'un attribut? Et est-ce que le messager alayhissalam a donné une fausse interprétation à ces textes. يقول ثم انحرف هؤلاء واخذوا فلسفات اليونان وغيرها فصارت عقولهم لا تقبل ظواهر نصوص القرآن والأصل في الإسلام الأخذ بظاهر النص القرآني أو النبوي الأصل فيه الأخذ بالظاهر ولا يجوز التأويل إلا بقرينة قوية واضحة وهم ليس عندهم قرائن إنما عندهم شبهات وخيالات إلدي حفظه الله بسلا ont dévié et ils ont pris et mis en application les philosophies grecques et autres. Et donc leur raison n'accepte plus l'apparence des textes du Coran. Et alors qu'à l'origine dans l'islam, c'est de prendre les textes du Coran dans leur apparence, ainsi que les textes du prophète alayhi salam. Ça c'est l'origine, c'est la base. Il n'est pas permis d'en faire une fausse interprétation, sauf avec un signe très fort et très clair. Il dit, ceux-là, ils n'ont aucun signe. Ils n'ont que des ambiguïtés et des imaginations. يقول, نحن قد نرى مثلا نصين متعارضين فنجمع بينهما وهذا فيما يبدو لنا وإلا فهي ليست متعارضة فنجمع بينهما هذا نوع تأويل. Il dit, on voit des textes, deux textes qui nous apparaissent en contradiction et on réunit ces deux textes. Et la contradiction, c'est dans ce qui nous apparaît. Mais en réalité, il n'y a aucune contradiction. Il dit, et donc c'est une forme d'interprétation qui est le fait de réunir entre deux textes. Il dit, là, qu'il nous sauce l'ouadéha. Mais nous sauce sifat. هذه ليست من المتشابه ولا تحتاج إلى تأويل لهذا ما أولها الصحابة ولا التابعون ولا أئمة الهدى il dit رحمه الله وحفظه mais les textes clairs les textes comme les textes dans lesquels il y a les attributs d'Allah celles-là ce ne sont pas des textes ambigus ils n'ont pas besoin de fausses interprétations, de les interpréter ou de les déformer leur sens, car les compagnons ne les ont pas interprétés, hein, ni ils ont donné une fausse signification, ni les successeurs des compagnons, ni les grands imams de la science et de la guidance. يقول ولما برز هؤلاء بفتنهم وتأويلاتهم الفاسدة واجههم أهل السنة بالحجج والبراهين التي تدحض شبهاتهم وأباطيلهم. Il dit, حفظه الله, quand ceux-là ont apparu avec leur sédition et avec leur mauvaise interprétation les gens de la Sunna leur ont fait face avec les preuves irréfutables. Ils ont anéanti leurs faux et leurs ambiguïtés. Et nous arrêtons là, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Que Allah subhanahu wa ta'ala allonge la vie de notre cheikh Rabi' dans son obéissance. Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de la science, de nos hommes de science. Et que nous soyons parmi les gens qui entendent la bonne parole et qui la mettent en application. Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous raffermisse sur la voie de nos pieux prédécesseurs. Wallah alayhim. Wa subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا